Ce spectre singulier n'a pour toute toilette, grotesquement campé sur son fond de squelette, qu'un diadème affreux s'entend le cadavre. Sans éperon, sans fouet, il essouffle un cheval fantôme comme lui, au sac apocalyptique qui bave des naseaux comme un. S'enfonce tous deux et foule l'infini d'un sabot hasardeux. Le cavalier promène un sabre qui flamboie sur les foules sans nom que sa monture broie, et parcourt comme un prince inspectant sa maison, le cimetière immense et froid sans horizon, où gisent aux lueurs d'un soleil blanc éteint les peuples de l'histoire ancienne et moderne. Fantastique.